السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الله تبارك وتعالى dit dans son noble livre: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et parmi ces signes, il a créé de vous pour vous des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a certes en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Et il a dit, Jalla wa ala, Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ. Allah vous a fait à partir de vous-même des épouses, et de vos épouses, il vous a donné des enfants et des petits-enfants, et il vous a attribué de bonnes choses. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Ô vous les jeunes, celui d'entre vous qui a la capacité de se marier alors qu'il se marie, car ceci est un moyen de baisser le regard et de préserver sa chasteté. Et celui qui n'en a pas la capacité, alors qu'il jeûne, car le jeûne est pour lui une protection. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Le mariage fait donc partie des grands bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur ses serviteurs, des causes pour se préserver, pour secourir et agrandir la communauté de l'islam. Et c'est également une très grande porte de bien dans énormément de choses et de nombreux domaines. Et s'il en est ainsi, il convient aux musulmans de connaître les règles et les comportements liés au mariage. Et ce, afin d'agir avec science et clairvoyance, et de ne pas commettre d'erreurs qui peuvent s'avérer très néfastes à cause de son ignorance et de ses manquements dans l'apprentissage. Dans cette courte série de cours, nous allons donc expliquer de manière résumée, par la permission d'Allah, tabaraka wa ta'ala, les règles du mariage, en se basant sur l'épître Nour al-Basa'iri wal-Albab, du noble shir Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di, rahimahullahu ta'ala. Et nous demandons à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous faciliter et de nous accorder la réussite. Et donc, le shir a dit, rahimahullah, كتاب أحكام الأنكحة وهي كثيرة جدا. Chapitre sur les règles des mariages, et elles sont très nombreuses. وسبب ذلك أن له أحكاما في أوله وأحكاما في استمراره وأحكاما عند انتهائه وكل منها يتفرع إلى أحكام كثيرة فنذكر منها المهم. Et la cause de cela, donc du grand nombre de règles liées au mariage, et qu'il y a des règles à son début, des règles dans sa continuité et des règles à sa fin. Et de chacune de celles-ci découlent de nombreuses règles. Nous allons donc mentionner parmi celles-ci les plus importantes. L'auteur, rahimahullah, dans ce passage, a mentionné que les règles liées au mariage sont très nombreuses. Et la cause de cela est qu'il y a des règles en rapport avec le début du mariage, telles que les conditions du mariage, comment l'acte de mariage se concrétise-t-il, etc. Ensuite, il y a également les règles liées à la continuité du mariage, telles que les droits des époux, les comportements à adopter, etc. Et il peut également y avoir des règles liées à la fin du mariage, si celui-ci ne perdure pas, comme les règles du divorce, du khul', etc. Les règles du mariage sont donc très nombreuses, mais ici, seules les plus importantes vont être mentionnées, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, il a dit, rahimahullah, وأما النكاح فإنه من سنن المرسلين ومما حث الله ورسوله عليه لما فيه من الفوائد الضرورية والكمالية الدينية والدنيوية. Le mariage fait partie de la voie des prophètes et fait partie de ce à quoi Allah et son messager ont encouragé. Et ce, pour ce que cela comporte comme bénéfices nécessaires et complémentaires, mondains et religieux. Le mariage fait donc partie de la voie des prophètes, comme il a dit Jalla wa Ala, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Et nous avons certes envoyé avant toi des messagers et leur avons donné des épouses et des descendants. Il est également connu que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est marié avec plusieurs femmes et qu'il était le meilleur des hommes envers ses épouses sallallahu alayhi wa sallam. Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donc encouragé au mariage et nous avons déjà mentionné certaines preuves démontrant cela dans l'introduction. Et certes, les bénéfices du mariage sont très nombreux, que ce soit mondain ou religieux. Il permet de se préserver, d'obtenir la quiétude dans sa vie, d'agrandir et de secourir la communauté, et bien d'autres encore parmi les bénéfices et les bienfaits du mariage. Puis il a dit, rahimahullah, وينبغي أن يختار ما طاب من النساء وكمل دينها وحسنت آدابها وشرف بيتها فإن حصل مع ذلك الجمال وبقية الصفات المقصودة فهو أكمل. Il a dit, et il lui convient de choisir une femme qui lui plaise, dont la religiosité est complète, qui a de nobles comportements et provenant d'un noble foyer. Et si en plus de cela, elle possède la beauté ainsi que les autres attributs recherchés, alors ceci est encore mieux. Il convient donc aux musulmans de bien choisir son épouse et de bien choisir celle avec qui il partagera sa vie et l'accompagnera dans son cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. Son premier critère et le plus important doit donc être sa droiture et sa religiosité, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La femme est épousée pour quatre raisons, pour ses biens, pour sa lignée, sa beauté et sa piété. Tâche donc de choisir celle qui détient la piété, apportée par Al-Bukhari et Muslim. Le premier critère pour le mariage doit donc être la piété, et ce, tout en choisissant une femme qui lui plaise et lui conviendra, comme il a dit Tabaraka wa ta'ala, « Fankihu ma taba lakum minan nisa » et épouser celle qui vous plaise parmi les femmes. Parmi les critères essentiels également lors du choix de l'épouse, le fait qu'elle soit parée de nobles comportements, et ce, car une femme au noble comportement sera une réjouissance pour lui dans sa vie de tous les jours, et elle pourra également enseigner et inculquer ses nobles comportements à ses enfants. Contrairement à celle qui n'a aucune connaissance des nobles comportements, et qui sera un fardeau à cause de ses actes et ses paroles, éloigné des bonnes mœurs et des bons comportements. Ensuite, parmi les critères importants également, le fait de choisir une femme ayant été élevée dans une maison avec des gens vertueux et ayant un bon comportement. Et ce, car généralement, la personne est impactée par ce qui l'entoure et avec lesquels elle vit. Et donc, si elle a été élevée avec des gens de bien, généralement, ces nobles caractéristiques seront également présents chez elle. De plus, en cas de problème ou de conflit, cette famille sera une aide et une cause de bien, contrairement à une famille au mauvais comportement qui pourrait au contraire, dans ces cas-là, augmenter les problèmes et monter encore plus la femme contre son mari. Wallahu musta'an. Voici donc quelques critères très importants dans le choix de l'épouse. Et si en plus de cela, la femme lui plaît physiquement, alors ceci est encore mieux. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encouragé celui qui souhaite demander une femme en mariage à la regarder. Car si elle lui plaît physiquement, cela aidera à la continuité de leur couple. Il est donc permis au prétendant de regarder la femme qu'il souhaite demander en mariage, Mais cela doit se faire seulement après s'être bien renseigné sur elle et d'être sûr de vouloir se marier avec elle. Et ce, afin qu'il ne regarde pas les femmes musulmanes inutilement alors qu'il n'est pas sûr de vouloir se marier avec elles. Et il faut également que la famille de la femme montre des signes d'acceptation. Et ce, afin qu'il ne regarde pas une femme alors que sa famille ne souhaite pas accepter ce mariage. Ainsi, si après s'être renseigné sur elle et que sa famille montre des signes d'acceptation, alors, dans ce cas-là, il pourra regarder ce qu'elle laisse apparaître devant ses maharim habituellement, tels que son visage, ses mains et sa tête. Et c'est pour cela que l'auteur a dit, rahimahullah, وَلِذَٰلِكَ يَنْبَغِي قَبْلَ الْخِطْبَةِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَنْ أَرَادَ تَزَوُّجَهَا أَوْ يَصِفُهَا لَهُ مَنْ يَثِقُ بِهِ لِيَكُونَ عَلَى بَصِيرَةٍ مِنْ أَمْرِهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَخْطُبَ عَلَى خُطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَأْذَنَ أَوْ يُرَدَّ. Et c'est pour cette raison qu'il convient, avant la demande en mariage, de regarder celle qui souhaite épouser, ou bien qu'elle lui soit décrite par quelqu'un en qui il a confiance. Et ce, afin qu'il soit clairvoyant sur ce qu'il entreprend. Et il est interdit de demander une femme en mariage qui a déjà été demandée par son frère, donc en islam, mis à part si celui-ci lui autorise, ou bien que sa demande ait été refusée. Il est donc interdit de demander une femme en mariage qui a déjà été demandée, comme cela est rapporté dans les deux recueils authentiques, d'après Abu Huraira radiallahu anhu. Mis à part si celui qui a demandé en premier donne la permission, ou bien que sa demande n'ait pas été acceptée, ou bien que la prétendante et sa famille n'aient montré aucun signe d'acceptation. Et à souligner également ici que même si la demande en mariage a été acceptée, eh bien les fiancés restent des étrangers, et ce, jusqu'à ce que l'acte de mariage soit concrétisé. Ils ne peuvent donc pas rester ensemble seuls, ni rien d'autre de ce qui est réservé aux personnes mariées ou aux mahalim. Et il est donc obligatoire de fermer toutes les portes pouvant mener à un mal ou à tomber dans l'interdit. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, Faslun arkanun nikahi wa shurutuhu wa mustahabbatuh. Chapitre sur les piliers du mariage, ses conditions et ses actes recommandés. Dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah, va donc mentionner les piliers du mariage qui sont impératifs pour que le mariage soit valide et réalisé, ainsi que les conditions du mariage qui sont obligatoires pour que le mariage soit conforme et homologué, et également les actes méritoires qui sont recommandés lors du mariage. Et donc, il a dit, rahimahullah, Wala budda lin-nikahi min al-ijabi wa huwa al-lafzu as-sadiru min al-wali aw na'ibihi. كقوله زوجتك فلانا ومن القبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه كقوله قبلت نكاحها ونحوه. Il a dit, rahimahullah, il faut impérativement lors du mariage une parole affirmative et qui est une parole prononcée par le tuteur de la femme ou bien son mandataire, telle que sa parole je te marie avec une telle. Et il faut également impérativement l'acceptation, et qui est la parole prononcée par l'époux, ou bien son mandataire, telle que sa parole, j'accepte ce mariage, ou autre parole semblable. Le premier pilier du mariage, que l'auteur a mentionné, rahimahullah, est donc la formule qui doit être prononcée lors de l'acte de mariage. Et cette formule est composée d'une parole affirmative, qui est nommé El-Ijeb, et cette parole est prononcée par le tuteur de la femme, ou bien celui qui l'a mandaté. Il prononce donc une parole telle que je te donne ma fille une telle en mariage, ou autre parole semblable. Et il faut obligatoirement donc qu'il désigne celle qui va marier par son prénom ou par ses attributs qui lui sont propres, et ce, afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté. Ainsi, s'il a plusieurs filles, par exemple, il ne lui suffit pas de dire je te marie avec ma fille, et ce, car il a plusieurs filles et il n'a pas désigné celle qu'il souhaite marier. Ensuite, lorsque le tuteur ou son mandataire a prononcé cette parole affirmative, le futur époux, lui, prononcera ce qu'on appelle l'acceptation, c'est-à-dire une parole qui indique qu'il accepte ce mariage, comme par exemple, j'accepte ce mariage ou j'accepte de me marier avec une telle, etc. Voici donc comment doit être formulé l'acte de mariage. Et à noter également que pour beaucoup de savants, la parole affirmative doit précéder l'acceptation, et donc doit provenir du tuteur, et après cela seulement, l'époux prononcera l'acceptation et non pas le contraire. Et la base est que cette formule est prononcée en langue arabe par celui qui comprend et maîtrise la langue arabe, en disant par exemple Zawajtuka fulana, puis la réponse Qabiltu hadha zawaj. Mais cependant, celui qui ne maîtrise pas la langue arabe, alors il lui est permis de prononcer cette formule dans la langue qu'il parle et qu'il maîtrise. Voici donc ce qu'il est obligatoire de faire pour la formulation du contrat de mariage. Et si en plus de cela, le futur époux ou autre que lui prononce avant cela Khutbatul Haja, c'est-à-dire Inna alhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu ila akhiri, alors ceci est une bonne chose, comme cela est rapporté dans le hadith d'Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, authentifié par Sheikh Al-Albani. Mais cependant, cela n'est pas obligatoire et n'est pas une condition. Et ce, car il est rapporté dans d'autres hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu des contrats de mariage sans prononcer Khutbatul Haja, mais juste avec la formule de Ijab et de Qabul, donc affirmative et d'acceptation. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, parmi les conditions de validité du mariage que l'auteur a mentionné, rahimahullah, il y a l'agrément des deux époux. Il faut donc obligatoirement l'accord et l'agrément de l'époux, ainsi que l'accord et l'agrément de l'épouse. Et la preuve de cela est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la femme qui a déjà été mariée devait donner clairement son accord, donc en disant oui ou non. Quant à la femme qui n'a jamais été mariée, eh bien, son silence suffit comme accord. Et ce hadith est rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Et la raison pour laquelle le silence de la femme jamais mariée suffit est que généralement, elle est trop timide pour dire oui et donner son accord verbalement. Par contre, si elle ne désire pas ce mariage, alors elle s'exprimera et dira clairement qu'elle n'est pas d'accord. L'accord des deux époux est donc une condition et un pilier pour la validité du mariage en islam. Ainsi, contrairement à ce qui est pratiqué dans certaines coutumes, le mariage forcé ne fait pas partie de l'islam. Et si une femme est mariée par son père sans son accord en étant jeune, eh bien, lorsqu'elle grandira et aura l'âge de rejoindre celui à qui elle a été mariée et habiter avec lui, à ce moment-là alors, si elle n'est pas d'accord pour ce mariage, eh bien, il est dans son droit de demander au juge l'annulation de ce mariage qu'elle ne souhaite pas. Et donc, en réalité, aucune femme ne peut être contrainte de rejoindre un homme ou d'être touchée par un homme ou d'habiter avec un homme sans son accord. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ensuite, l'auteur a dit, rahimahullah, wa la budda min al-wali wa huwa al-ab. ثم الأقرب فالأقرب من العصبات البالغين المرشدين وأن تأذن له بالقول إن كانت ثيبة وبه أو بالسكوت إن كانت بكرة ولا بد من الشاهدين عند عقده ومن تعيين الزوجة باسمها أو صفتها التي تميزها. Il a dit رحمه الله, il faut impérativement le tuteur, qui est le père, puis le plus proche parmi la famille du côté du père, qui sont pubères et raisonnables. Et il faut également que la femme donne son accord verbal si elle a déjà été mariée, ou avec sa parole ou son silence si elle n'a jamais été mariée. Et il faut également impérativement deux témoins lors de l'acte de mariage. Et il faut aussi, lors de celui-ci, désigner la femme par son nom ou bien par ses caractéristiques qui la démarquent des autres. Dans ce passage, l'auteur, rahimahullah, a mentionné plusieurs points, certains dont nous avons déjà parlé et d'autres pas encore. Et donc, premièrement, il a mentionné, rahimahullah, que l'accord du tuteur lors du mariage est obligatoire. Ceci est donc une condition de validité du mariage. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toute femme qui se marie sans l'autorisation de son tuteur, alors son mariage sera invalide. Son mariage sera invalide. Son mariage sera invalide. Rapporté par Tirmidhi et autres. Et il a également dit, sallallahu alayhi wa sallam, point de mariage mis à part avec un tuteur, rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et autres, et authentifié par Sheikh Al-Albani. L'accord du tuteur est donc une condition de validité du mariage. Et ceci est en réalité une miséricorde pour la femme, car souvent, les femmes sont très sensibles et sentimentales, et peuvent donc se faire tromper par les belles paroles d'un homme qui n'est en réalité pas comme il le dit. Alors que le tuteur, lui-même étant un homme, connaît la mentalité des hommes et leur éventuelle ruse. Il recherchera donc ce qu'il y a de mieux pour sa fille ou celle dont il a la responsabilité, et il sera plus facile pour lui de se renseigner. Et à cette occasion, j'aimerais attirer l'attention sur un point et sur une chose qui a tendance à se répandre à notre époque, et surtout dans les pays non musulmans, et c'est le fait que lorsque le tuteur refuse un prétendant pour une raison valable, comme le fait que cet homme n'est pas encore de situation stable ou pour certains de ses comportements ou autres, eh bien, parfois, certaines femmes, à cause de leur précipitation et leurs sentiments, cherchent à retirer le droit de tutorat à leur père. Et ce, en prétendant qu'il n'accepte personne étant sur la droiture, alors qu'en réalité, il n'est pas contre cela, mais il recherche simplement un homme qui pourra prendre soin de sa fille, pour laquelle il a fait tant d'efforts pour l'éduquer et la préserver. Et donc, si une femme prétend être dans cette situation, il convient de ne pas se précipiter et de bien se renseigner. La base est donc que le tuteur de la femme est son père, puis après son père, son grand-père, puis son fils, si elle en a un, puis son frère, et ainsi de suite. Et si une femme n'a pas d'homme musulman dans sa famille, alors, son tuteur sera le gouverneur des musulmans ou celui qu'il désigne pour cela si elle est dans un pays musulman. Et si elle n'est pas dans un pays musulman, alors ce seront les centres islamiques ou bien les responsables musulmans présents dans son pays qui s'occuperont de cela dans ce cas-là. Et parmi les conditions du tuteur, le fait qu'il soit pubère, doué de raison et sensé, et ce, afin de choisir quelqu'un qui correspondra à la femme. Ensuite, parmi les conditions du mariage que l'auteur a mentionnées, rahimahullah, l'obligation de la présence de deux témoins lors de l'acte de mariage. Et la preuve de cela est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, point de mariage, mis à part avec un tuteur et deux témoins de confiance. Voici donc pour les piliers et les conditions du mariage, sans lesquels il ne peut être valide, et qui sont en résumé le fait qu'il n'est rien qui empêche le mariage des deux époux, comme le fait qu'il soit interdit pour elle à cause de l'allaitement ou autre. Ensuite, deuxièmement, la formulation de l'acte de mariage avec une parole affirmative du tuteur, puis une acceptation du prétendant, comme par exemple Zawajtuka benati fulana wa qabiltu hadha zawaj. Il faut également impérativement que la femme soit nommée par son nom ou par ses caractéristiques qui lui sont propres. De même, il faut l'accord et l'agrément des deux époux, et également l'accord du tuteur qui sera celui qui fera l'acte de mariage avec le prétendant. Et enfin, il faut également la présence de deux témoins qui assisteront à l'acte de mariage. Et nous pouvons également ajouter à cela le fait d'annoncer le mariage, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, annoncer le mariage, rapporté par l'imam Ahmed. Voilà donc les piliers et les conditions du mariage. Et ainsi, nous voyons que la présence d'un imam ou d'un représentant autre que le tuteur n'est pas une condition de validité du mariage, ni même le fait de l'écrire ou de le déclarer de manière administrative. Cependant, il est fortement recommandé, et notamment dans les pays musulmans, que le mariage soit déclaré de manière officielle et administrative. Et ce, afin que chacun puisse s'assurer de l'obtention de ses droits et également pour faciliter toutes les démarches administratives. Et si en plus de cela, le gouverneur impose cette démarche pour des intérêts qu'il voit dans la gestion du pays, alors dans ce cas-là, cela deviendra d'autant plus impératif. Et Allah subhanahu wa ta'ala est plus savant. Et nous allons donc nous arrêter ici pour le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah, et nous poursuivrons l'explication de ce chapitre dans les cours suivants, Inch'Allah. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammad.